AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors, recherche d'emploi. Je pense que je dois avoir le CV le moins fourni de la Terre pour l'âge que j'ai. Enfin, vraiment, c'est mes expériences de travail, elles se résument tellement à pas grand-chose. Je me dis toujours que j'ai intérêt d'être riche bientôt parce que j'aurai jamais de retraite tellement que j'ai pas travaillé. Et pourquoi j'ai pas travaillé? Mais parce que personne n'a voulu de moi. Enfin, c'est. Je crois que les premières incompréhensions que j'ai pu avoir, c'était quand j'étais à la fac et qu'il fallait chercher des stages. J'étais étudiante en études de cinéma. Et donc, il fallait trouver des stages, peu importe, en production, n'importe quoi, du moment que ça tournait autour du cinéma ou de l'audiovisuel. Et je me souviens que j'avais imprimé, enfin, j'avais envoyé au total 300 CV. Partout. Et j'avais aucun retour. Et il se trouve que c'était la même chose pour quand je cherchais des jobs étudiants, quand je cherchais des jobs d'été. J'ai jamais eu un job d'été. On m'a toujours dit non. Il y avait une photo sur ces CV? Oui, il y avait toujours ma photo sur les CV. Mais bon, je me disais, t'as pas de réseau, t'as pas... Je refusais de me dire, à l'époque, je refusais de me dire que c'était à cause de mon poids. Enfin, j'ai longtemps été dans le déni de ça, en fait. Quand j'étais étudiante, il y a eu une année où... Donc, j'étais boursière et il y a eu une année où ma bourse a vraiment mis du temps à arriver. Et entre-temps, il fallait vivre. Et je me souviens avoir fait la tournée des fast-food de Montpellier. Et j'y allais une fois par semaine dans ces fast-food pour leur montrer que j'étais motivée. Et un jour, il y a un manager qui sort sur le parking et qui me dit « On n'a pas envie que les gens pourraient voir ce qu'ils pourraient devenir s'ils mangeaient trop souvent chez nous. » Et j'ai là, mais c'est pas grave, mais moi au steak haché, enfin, j'étais vraiment dans la galère et j'avais vraiment besoin de... Je là, me mets pas aux caisses, quoi, mais moi au steak haché, je fais cuire sur le grill. Il me dit non, mais de toute façon, on n'aura pas de costume à ta taille. Place au gros, une maladie de pauvre. Pour avoir un travail, mon premier job étudiant, c'est moi qui ai harcelé la directrice de ma CTU pendant un an et demi pour avoir le job. Elle voulait pas me le donner, elle me disait... Gabriel, je peux pas te mettre à l'accueil parce que t'es grosse. Et je lui disais, mais c'est pas grave. Et elle me disait, mais c'est parce que tu vas t'en prendre plein la tête que je veux pas te mettre là, en fait. Et pendant les 3 ans où j'ai bossé, je m'en suis pris plein la tête à l'accueil par les gens. En fait, si quelqu'un avait pas eu sa chambre ou si quelqu'un avait un problème de loyer, que je lui mettais un rappel de loyer, les gens, ils se lâchaient sur mon poids. Enfin, quoi que je fasse, que je parle ou que je parle pas. Mais bon. Je me disais, c'est juste des crétins. Je pensais même pas encore à ce moment-là, grossophobie, en réalité. Quand j'ai rencontré Gabriel Dédier, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que ce n'était pas un peu trop? Est-ce qu'on allait pouvoir tout garder au montage? En fait, j'étais un peu abasourdi par ce récit. Est-ce que tout ça n'allait pas paraître invraisemblable pour qui n'a jamais connu une telle discrimination? Et puis je me suis souvenu de personnes proches avec qui j'ai travaillé. Une femme qui affirmait volontiers son antiracisme, un antiracisme chevillé au corps. Mais ce qui ne l'a pas empêché un jour de dire devant plusieurs personnes « Moi, les gros, ça me met mal à l'aise. J'ai pas envie de bosser avec eux. » C'était dans le milieu professionnel. Et en effet, dans son milieu à elle, je n'ai jamais vu de gros. Une autre fois, c'était un petit chef dans un journal plutôt intello et de gauche, a priori hostile à toute forme de discrimination. Et là, je l'ai entendu dire « Celle-là, je lui prendrai son papier quand elle aura perdu son gros cul. » Ça n'a choqué personne. Alors je décide de rencontrer Jean-François Amadieu. Il est sociologue, l'un des rares à travailler sur le sujet. Je sais bien que le cas de Gabriel Dédier n'est pas une exception. Mais je veux savoir jusqu'à quel point. ça me met en rage. Je voyais il y a ces derniers jours, j'ai même fait tout un PowerPoint pour faire travailler mes étudiants sur ça. Quand j'arrive dans son bureau, c'est consternant. À la Sorbonne, il n'est pas de très bonne humeur. Mais très vite, je comprends que sa colère est au cœur de mon sujet. Que cette colère éclaire quelque chose qui dépasse la seule discrimination à l'embauche. Pour Jean-François Amadieu, la grossophobie est un angle mort des politiques publiques et de la recherche, parce que c'est avant tout une question de classe sociale. Pour moi, le fait de ne pas vouloir regarder ou identifier les discriminations, la grossophobie, c'est une véritable violence à l'égard de groupes importants de femmes essentiellement d'ailleurs, mais et puis ça concerne des femmes de milieu populaire justement. C'est extrêmement violent en fait, parce que cette discrimination en vaut une autre, ces injures et ces moqueries en valent d'autres, et au nom de quoi ça ne serait pas pris en compte. Et aujourd'hui, je suis vraiment choqué par des gens qui, je vous assure, aujourd'hui, fabriquent ce déni finalement. La grossophobie, non, c'est pas un sujet. Et pour Jean-François Amadieu, ce sont les outils statistiques qui sont en cause. Quand c'est les statistiques publiques, c'est quand même gênant. Quand vous voyez comment le Défenseur des droits et l'INSEE sont avec l'INED ont fait l'enquête Théo sur trajectoire et origine, c'est quand même des exemples terribles de statistiques qui sont publiques, qu'on reprend. Mais ces statistiques, les questionnaires et les enquêtes sont construites de telle manière que vous ne verrez jamais apparaître la discrimination en raison de l'apparence physique. Les moqueries, les mises à l'écart, la discrimination, vous ne la verrez pas. Donc on produit des enquêtes et des enquêtes publiques qui entretiennent l'ignorance de la grossophobie. On l'a fait depuis des années. Vous le savez, en France, par exemple, l'obésité est concentrée dans les milieux populaires. Donc c'est un sujet qui va être ignoré comme les discriminations en raison de l'origine sociale le sont. Ce sont des discriminations, mais elles ne sont pas considérées comme telles. Il y a plusieurs municipalités en France qui ont fait faire des bilans, qui élaborent, c'est une obligation, ils élaborent des plans de lutte contre les discriminations. Et quand vous regardez, vous allez extraire 800 personnes, et d'un seul coup, vous découvrez que dans les 800 personnes, bilan des discriminations, c'est quoi ? C'est la discrimination est très importante au travail, à l'entrée des boîtes de nuit, etc. Vous avez 20% de gens discriminés en raison de leur orientation sexuelle, quoi. L'apparence physique n'apparaît pas, ni l'âge, même quand il s'agit du travail. C'est absurde. Et vous voyez qu'ils ne se sentent pas représentés par les élites. Et une fois de plus, si je vous prends ces exemples d'enquête, moi qui étudie ça, je me dis, mais ils sont malades, quoi. Pardon, mais je sais pas. Heureusement, personne s'en aperçoit. Tout le monde trouvera très bien. Et puis, c'est difficile à dire. Moi, je vous le dis parce que ça me choque. En ce moment, je me dis, c'est pas possible. Comment on peut continuer à faire des trucs pareils? Je trouve ça choquant. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que oui, en fait, il y a une inégalité. L'obésité, c'est une maladie de pauvre, c'est pas une maladie de riche. Gabriel Dédier. Il y a quelque chose de classiste là-dedans, mais ça, c'était... J'ai toujours voulu me dire que non, j'étais pas conditionnée par le milieu duquel je venais, de ma petite cité HLM. Je refusais d'entendre en fait que j'étais prédestinée ou enfin toutes ces choses. Il m'a fallu mais des années à me dire que ça faisait partie des raisons pour lesquelles je trouvais pas de travail. Je me disais c'est pas grave, je fais mes études, je vais finir par me trouver un vrai job et. Et du coup, j'ai repris des études, j'ai repris un parcours d'études parce que je me retrouve à 30 ans, j'ai toujours pas de job. Et donc, je m'inscris en fac de Sciences Po et je me retrouve en fait avec le même problème quand il faut trouver des stages. Et quand j'en parlais à mes camarades, ils me disaient « bah, soit t'arrêtes de te plaindre, soit tu te prends en main et si ton problème c'est ton poids, bah, maigris ». Sauf que si j'étais aussi grosse, c'est parce que j'avais essayé 1000 fois de maigrir. Enfin, on se retrouve toujours dans ce cercle vicieux, en fait. C'est comme ça que j'ai décidé de venir à Paris. Et quand je suis arrivée à Paris, donc j'ai eu ce job alimentaire de bosser dans un collège à Neuilly-sur-Seine où j'étais assistante. En septembre, au premier jour de la rentrée, je vais à la rencontre de l'enseignante avec qui je travaille. Elle me regarde, elle me dit « Je veux pas travailler avec une grosse ». Et du coup, je ris. Je ris parce que déjà, je la trouve moi-même un peu grosse. Donc, je trouve que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et ensuite, je lui dis « C'est ton problème, en fait. Si tu veux pas travailler avec une grosse, ça me regarde pas. Tu règles tes problèmes à toi. Enfin, j'ai pas à subir ça. » Donc, c'est une enseignante de l'éducation nationale française qui vous dit ça? Oui, et qui travaille avec des élèves qui ont des retards cognitifs quand même. Donc, des élèves qui ont ce stigmate de handicap. D'ailleurs, le moment où je décide de ne plus aller travailler, c'est quand elle m'appelle la 7e handicapée de la classe. En fait, le premier mois où j'étais à l'essai, elle m'avait vraiment mis la pression par rapport à mon poids, au point où elle avait demandé au principal de me convoquer. Et là, il me dit « Écoutez, moi, je vous demande juste de montrer que vous avez envie de garder le job et rectifier le tir. Et donc, vous avez un mois pour perdre du poids. » Et quand on me demande pourquoi je ne l'ai pas réellement fait, en fait, de signaler ou de porter plainte ou d'avoir faire appel à un syndicat, c'est parce que quand je suis arrivée à Paris, je vivais dans une auberge de jeunesse et que je me disais « T'as un job, tu gagnes 1200 balles par mois. » Tu tiens le temps qu'il faudra et t'es dans la précarité, donc tu peux pas perdre ce job. Enfin, c'était juste ça, en fait. C'était survivre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont demandé de perdre du poids et que j'en ai pris. C'est comme si mon corps réagissait à mon environnement en grossissant, en fait. Et « Ah ouais, tu te permets de me dire ça ? Ben écoute, mec, voilà ce qui va se passer. » En plus, le job, ça se passait bien avec mes élèves. Si au moins on avait des arguments sur le fait que je sois nulle dans mon job, mais pas « on a un problème, prouvez-nous que vous avez de la volonté et perdez du poids ». D'où un employeur, il dit ça, quoi. C'est complètement fou. Vous savez, quand vous dites autour de vous, une fois que vous avez été harcelée parce que vous êtes grosse, on vous écoute. Deux fois, on vous écoute. Trois fois, c'est vous le problème, quoi. Et sauf que moi, c'était systématique. Et je me suis même retrouvée avec des camarades de promo qui me disaient « Ouais, mais peut-être qu'au final, peut-être que tu devrais te rendre compte que t'es pas faite pour ce monde du travail. » Et je trouvais ça hyper violent et dégueulasse parce qu'ils n'étaient pas plus intelligents que moi. Et du coup, moi, grosse, avec mes études supérieures, je suis pionne à 35 ans. C'est la seule chose qu'on me propose, en fait. Maigrir à tout prix, devenir fin, élancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Devenir fin sans devenir fou? En France, 7 millions de personnes sont considérées comme obèses, soit 16% de la population. Mais le niveau d'éducation et de revenus sont déterminants. Concrètement, les ouvriers et les employés sont deux fois plus touchés par l'obésité que les cadres supérieurs. En résumé, être pauvre, c'est être gros. Mais ce que l'on comprend également avec Jean-François Amadieu, c'est que l'inverse est vrai aussi. Être gros, c'est rester pauvre, dit-il en substance. J'ai fait des testings par envoi de CV, on en a fait beaucoup, sur les différents aspects de l'apparence physique, dont le surpoids ou l'obésité. Donc j'ai fait beaucoup avec mon équipe, des doctorants ici, on a fait beaucoup de tests par envoi de CV où on envoie des photos. Ce qui fait en France que la discrimination est si importante, c'est parce qu'il y a des photos sur les CV. Il y a des photos sur les CV et tout le monde trouve ça très bien, c'est une aberration. Alors on peut prendre un exemple, je me souviens que à des premiers tests que j'ai fait sur l'obésité, c'était un test qui portait sur des commerciaux. Or sur les postes de commerciaux, c'est là que la silhouette va évidemment compter pour les employeurs. Et sur un poste de commercial, on s'était aperçu qu'une photo montrant un homme obèse avait trois fois moins de chances de recevoir une réponse positive par rapport à un homme qui ne l'était pas. Et alors, indépendamment des postes de commerciaux, pour des postes de télévendeurs, on a fait aussi un test par voie de photo, et là, les chances pour un poste de télévendeur homme étaient diminuées de moitié lorsque la photo montrait du surpoids. Alors maintenant, si on regarde du côté des femmes, on a fait des tests sur différents types de postes, par exemple pour des postes d'hôtesse d'accueil. Alors vous allez me dire, les postes d'hôtesse d'accueil, les gens vont dire « c'est bien normal ». Je ne sais pas pourquoi ils le disent. Et pour des postes d'hôtesse d'accueil, une personne en surpoids a 6 fois moins de chances qu'une personne qui n'est pas en surpoids de décrocher une réponse positive après envoi de son CV. On a fait la même chose sur des postes dans la restauration rapide. Là aussi, perte de chance pour des femmes un peu rondes. Alors, évidemment, beaucoup dans les postes en contact avec la clientèle, mais pas seulement. Et c'est via l'apparence physique, vestimentaire et le poids, et d'autres normes d'apparence physique, que les inégalités, la reproduction sociale, les discriminations en raison de l'origine et du milieu social vont se construire. Donc en fait, ces taux d'obésité dans les milieux populaires, les gens en situation de pauvreté et dans certaines régions loin des grandes métropoles, ces taux d'obésité sont très très importants. Et quand vous les comparez au taux d'obésité chez les cadres et les dirigeants, évidemment la différence est colossale. Alors, il ne faut pas oublier que ce qui fait que la grossophobie est si importante aujourd'hui, c'est l'exigence toujours renforcée, pas seulement du dynamisme, mais de performance au travail, c'est-à-dire ce qu'on veut dire aussi, ce qui est important pour les employeurs, la garantie que vous n'aurez pas de problème de santé, que vous ne serez pas absent, vous pouvez être à 110%. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, le jeune cadre dynamique et qui va travailler dans une tour de la Défense, comme sa collègue femme, croyez-moi, il n'est pas en surpoids. Ce que je comprends au fur et à mesure de mes rencontres, c'est que la discrimination des gros est plutôt bien acceptée. Elle ne choque personne. En fait, elle est socialement bien plus acceptable que celle touchant à la couleur de peau ou à l'orientation sexuelle. Les gros, comme nous explique Jean-François Amadieu, sont donc plus souvent des ouvriers, des employés, des prolos, des dominés. Et comme les questions de classe sociale sont globalement ignorées, il a fallu actionner d'autres leviers pour combattre la grossophobie. Si vous songez par exemple à la question des discriminations dont sont victimes les femmes, ou les discriminations en raison de l'orientation sexuelle ou de la couleur de peau, vous constatez évidemment que c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a à la fois une prise de conscience, une action, c'est à l'agenda politique et un milieu associatif. Quand vous regardez les personnes en surpoids, où est le milieu associatif? Où sont les combats depuis le 19e siècle des personnes grosses? Ça n'existe tout simplement pas, enfin ou quasiment pas. Récemment, beaucoup d'annonceurs se sont mis à montrer des physiques différents dans leur publicité. Pourquoi ? Venus des États-Unis, il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre de femmes que les femmes étaient particulièrement jugées sur leur physique, victimes de harcèlement et de discrimination en raison de leur surpoids notamment. Donc en fait, au fond, le sujet de la grossophobie, il est en train d'être mis à l'agenda parce qu'il a un lien avec les questions de genre. Oui, c'est Rémi. J'ai rendez-vous avec Enzo. Il a grandi dans une famille pauvre de la banlieue de Lille. Il m'intéresse parce que son parcours est très atypique. Il est gros, homo, et pour s'en sortir, il a dû quitter Lille. Il me fait penser à Édouard Louis. Lui me parle plutôt de Didier Ribon, m'explique qu'il n'a pas encore fait son retour à Reims, et que rompre avec sa famille était essentiel. Depuis, il a fait de la politique, du lobbying, et il est devenu une figure de la communauté BER, cette sous-division de la communauté gay qui rassemble des hommes gros et poilus. Merci. Je veux qu'il puise dans ses souvenirs, qu'il me raconte concrètement ses souvenirs d'enfance et d'adolescence. Entendre de sa bouche comment on s'alimente avec le minimum vital. C'est encore assez vous, hein. On va se mettre là, je pense, c'est ouais. Le surpoids, c'est quelque chose qui a toujours été là chez moi. On le voit sur les courbes de mes carnets de santé. Dès le plus jeune âge, j'étais toujours un peu au-dessus. Et notamment, j'ai eu des tests avec l'Institut Pasteur qui ont démontré qu'il y avait un terreau génétique qui était favorable. Après, sans forcément m'auto-analyser, ce qui pour moi a sans doute le plus joué, c'est le fait de venir d'une classe populaire très précaire. Enfin, j'ai grandi au sein d'une famille monoparentale avec une mère qui était au chômage, très précaire. On vivait de l'aide alimentaire et typiquement l'aide alimentaire aujourd'hui, c'est quelque chose où on vous donne du beurre, du fromage, des choses grasses en conserve et jamais vous avez de légumes frais. Nous, on n'avait pas les moyens de se les payer clairement. Et donc, j'ai grandi avec ça en prenant petit à petit du poids dans ce contexte social un peu compliqué. Contexte où il n'y avait pas non plus forcément accès aux vacances, accès à une mobilité forte, on se déplaçait peu, c'était très sédentaire comme mode de vie, donc ma mère passait un peu sa vie devant la télévision. Enfin, c'était... Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère, dans la vie ? Alors, historiquement, elle avait été gérante de magasin, et puis ça avait fini par péricliter, elle s'était retrouvée au chômage, puis au RMI, ensuite du RSA, puis au minimum vieillesse, enfin, c'était... C'est ce parcours-là un peu de décrochage, notamment lié à des divorces compliqués. Elle avait arrêté en partie de travailler pour nous élever, et quand mon père est parti, voilà, ça a un peu créé une sorte de spirale qui l'a enfoncé dans la précarité. En un sens, ça m'a aidé, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Enfin, j'ai été assez vite mature et assez vite autonome. J'ai une mère qui est encore, d'ailleurs, même si je la vois plus, très alcoolodépendante et qui était sous antidépresseurs, etc. Donc, qui n'était pas vraiment autonome. Et c'est moi qui ai pris très vite les choses en main, en fait. J'ai très vite géré les comptes, l'alimentation, la cuisine. J'ai appris à faire à manger très vite avec pas grand-chose. Voilà, c'était un peu... Et on avait maximum 800 euros par mois à trois pour vivre. Et c'est vrai que la première chose... Il y a deux choses qui sautaient. C'était les vêtements et c'était l'alimentation. Les vêtements, ça voulait dire, s'acheter deux joggings pour toute l'année. Et l'alimentation, c'était ne pas avoir un seul centime dépensé pour l'alimentation puisque tout était Resto du Cœur, Secours Populaire, ce genre de choses, quoi. Vous vous souvenez des repas, en fait, de cette période ? Oui, bah les repas étaient souvent similaires, c'était à base de pâtes et de beurre et de gruyère, quoi. C'était un peu ce qu'on nous donnait, c'est essentiellement ce qu'on nous donne à l'alimentaire. Alors, je sais pas si aujourd'hui ça a un peu changé, j'espère, mais j'y crois pas trop. Mais les repas étaient quasiment toujours les mêmes, c'était pris très rapidement, c'était pas du tout... Le repas était pas du tout un moment de partage, c'était... On faisait la cuisine en 10 minutes, on mangeait en 10 minutes et c'était réglé. C'est-à-dire qu'on avait une supérette en bas de chez nous et on y allait vraiment pour... Les trucs essentiels qu'ils ne nous auraient pas donné à la banque alimentaire, parce que c'était un budget de 50 euros sur le mois, quoi. Enfin, donc c'était très très limité. Et si, il y avait une attraction, enfin, moi je le sais déjà à l'époque, pour les choses très sucrées, très grasses, quelque chose de rassurant, enfin, puis aussi quand on est adulte, j'allais dire quand on est jeune, mais quand on est adulte aussi, on est forcément attiré par tout le marketing qui est fait sur ces produits-là, qu'on nous vend dans les pubs, à la télé, de choses qui vont être réconfortantes. Et c'est sûr que quand on est dans une situation parfois compliquée et le cercle un peu infernal qui se met en place de vous prenez du poids, du coup vous perdez d'estime de soi, vous subissez des brimades de la part d'autres personnes, et ça vous amène à continuer à prendre du poids parce que vous prenez des produits qui vous rassurent. Ça, notamment le marketing qui est en place et ce qui est disponible à moindre coût, c'est ces produits riches en gras, en sucre, en produits mauvais pour la santé, etc., etc. Enfin, ça, vous descendez dans n'importe quelle supérette, vous voyez que les trucs bio sont encore deux fois plus chers, vous voyez que les trucs sains sont plus chers, et ce que vous avez de moins cher, si vous voulez manger, c'est soit les pâtes, soit les gâteaux dégueux à 1 euro la boîte, quoi. Et à contrario, en fait, il y avait une sorte de profusion. Je me rappelle notamment C'était l'époque où l'Union européenne avait fait des stocks de beurre à cause de la crise de surplus de production de beurre. Enfin, c'est un peu anecdotique. Et du coup, ils nous donnaient des quantités... Enfin, toutes les semaines, on avait 2 kilos de beurre, quoi. C'était fallait écouler. Donc l'Union européenne avait inondé les banques alimentaires de beurre et on avait que ça, quoi. C'était un peu complètement délirant. Moi, notamment, alors, c'est un peu à cette époque-là aussi, j'ai développé... Enfin, je régule un peu mon stress par l'alimentation. Et donc, dans ce contexte-là, c'était un peu la seule chose qu'on avait sous la main avec du pain. Donc, c'était s'enfiler des tartines de pain beurre, par exemple, à n'importe quelle heure du jour de la nuit pour se... Comment dire, se combler, quoi, se caler, je sais pas si je trouve pas forcément de bons mots. En plus, il y avait aussi à l'époque une culture de la viande importante, notamment dans les banques alimentaires, ils nous donnaient beaucoup steak haché, surgelé, etc. Et pour le coup, la cuisine, elle était assez simple en fait, hein, c'était pâtes, soit c'était que des pâtes, et puis de temps en temps, c'était pâtes et steak haché. Donc ça nécessitait pas d'avoir une grande imagination sur les produits. Mais c'est, je trouve que c'est assez révélateur, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, la précarité et l'aide alimentaire, on le voit comme un peu la décharge de ce qui reste comme produit. On n'a pas une politique globale, et puis après, on s'étonne forcément qu'il y ait des taux de prévalence d'obésité absolument incroyables dans cette classe sociale-là. Bon, ça vient pas de nulle part. C'est pas parce que les gens sont fainéants et qu'ils ont envie de se gaver devant la télévision. C'est parce que on leur donne que ça à l'alimentaire, parce qu'ils ont pas les moyens d'acheter autre chose, parce qu'on gère pas leurs addictions. C'est sûr que moi, je me rappelle à l'époque. Enfin, notamment dans le budget, hein, dans les 800 euros, il fallait que je sanctuarise le budget alcool de ma mère, par exemple. C'était quelque chose d'intéressant, donc évidemment, on aurait pu taper dedans, sauf que personne ne l'a jamais aidé à sortir de l'addiction. On avait un médecin qui faisait absolument rien pour, et c'était routinier, et tous les mois, elle avait ses prescriptions d'anxiolytiques, antidépresseurs, tout en sachant qu'elle consommait beaucoup d'alcool. Jamais on lui a tendu la main sur ça. Après, moi, je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait, en fait, je pense. C'est-à-dire tenter de tenir un peu la maison comme on pouvait, quoi. Quand j'étais ado, l'hyperphagie, elle commençait à se manifester de façon complètement incontrôlée. Je comprenais pas ce qui se passait, je mangeais jusqu'à me faire vomir. Aujourd'hui, c'est moins ce cas-là, et enfin, j'ai aussi stabilisé mon poids, donc c'est que bon, ça s'est un peu calmé ces derniers temps. Mais je peux faire des hyperphagies rigolotes aussi. Je pense que c'est loin de l'image un peu qu'on peut se faire. C'est qu'à des moments, ça va être manger 10 abricots, 5 pêches et 1 kilo de mirabelle, quoi. c'est un peu, j'ai changé un peu de rapport. Donc à force d'en manger autant, ça a quand même une incidence quand même, hein, sur le poids. Mais c'est moins malsain que ce que je mangeais à l'époque. Oui, allô ? En écoutant Enzo, je comprends que la question de l'aide alimentaire est cruciale. Ouais, du coup, mais si les pommes sont... En France, 2 millions de personnes en bénéficient et elles sont statistiquement les plus concernées par l'obésité. Oui, c'est 300 ou 400 kilos de pommes ? C'est bon, finalement j'ai réussi à avoir 400 kilos de pommes pour la semaine, donc qu'on va pouvoir distribuer. Et quoi d'autre ? Cette commande, ce sont des pommes, des poires, des oranges, des... Ce monsieur, c'est Martin van der Overt. Il gère l'épicerie sociale du Secours Populaire dans le 18e arrondissement de Paris. Là, il affiche un sourire car il vient d'obtenir quelques palettes de fruits et légumes. C'est un combat quotidien. Mais souvent, me raconte-t-il, ces légumes lui restent sur les bras. Parce que quand on constate qu'il y a, on va avoir par exemple des livraisons de légumes de qualité et on a moins de sorties que ce qu'on attendait, une sortie de ces produits, donc ça signifie que quelque part il y a un problème quand on a des belles tomates, des aubergines, des courgettes et qu'on voit finalement ça part pas alors que des produits semblent être de bonne qualité. On se dit qu'effectivement, on pourrait trouver un moyen pour... Il faut identifier les causes de ces sorties peu importantes et faire connaître ces produits-là, c'est une priorité, c'est déjà une première action. Alors l'action du Secours Populaire a dû évoluer. Elle tente d'inclure maintenant la prévention de l'obésité et l'éducation alimentaire dans son action. Enlevez vos manteaux, les filles. Vous mettez vos affaires là derrière. Ce jour-là, un atelier cuisine est organisé pour les bénéficiaires. C'est sympa, regardez ce qu'il y a. C'est sympa. vois, moi je t'ai pris toute ta mode. Vas-y, prends ce que tu veux. Il y en a encore deux dans le. Il y en a encore deux là-bas. Le saumon, je veux bien. Ah oui, oui, tu peux prendre. La mozzarella, il y en a deux que j'ai fait tomber en. Ah bah super. Donc il y en a deux paquets. Il y en a deux paquets là-bas. Vous venez ici à l'épicerie alimentaire ? Oui, je viens parce que la vie est un peu difficile, donc je fais des courses ici. Donc en fait, moi j'ai accès aux légumes, j'ai accès, voilà. Bon, moi j'ai un souci, c'est que des fois j'aime bien manger, quoi. Donc des fois ça m'arrive de manger gras parce que j'ai, c'est plus fort que moi. Des fois je vais m'acheter une pizza, mais je sais que c'est pas bon, mais bon, ça me détend, si vous voulez, vous voyez. Ça vous fait oublier un peu les soucis. Ouais, voilà. Ou sinon j'aime bien les gâteaux, mais les bons gâteaux. En fait, ce que je fais, c'est quand moi je fais mes courses, en fait. C'est vrai que c'est difficile, mais par exemple, je vais prendre deux bananes ou trois pommes, vous voyez, des choses comme ça. Ou des fois, vous pouvez faire la fin des marchés où il y a des pommes à 99 centimes, des choses comme ça. Les tomates, j'aime bien les tomates. En fait, je pense qu'il faut savoir cuisiner, tout simplement. Ouais, c'est ce que je me dis. De toute façon, manger gras, ce qui se passe, c'est quand on mange gras, on a faim après. On grossit forcément après... Simplement, je voulais expliquer une chose, c'est que les régimes, ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Il faut juste manger équilibré. Il faut manger à l'heure. Et puis, voilà, se faire plaisir de temps en temps, parce que c'est important de se faire plaisir. J'avais un médecin qui disait qu'il fallait cuisiner. Et le fait de cuisiner, la sensation de faim part. Et c'est vrai que quand on est dans une grande précarité, on a faim tout le temps, quoi. Donc forcément, oui, bien sûr. Voilà, on mange et on se demande pas si c'est bon ou pas. On alimente son corps, en fait. Les gens vivent pour survivre, donc ils mangent pour atténuer la faim. C'est pas genre je m'assois à table. Et je pense que quand on a faim, quand on a, je dirais grave la dalle, eh ben on mange de tout et n'importe quoi. On essaie de se... Vous savez, moi, j'ai travaillé 3 semaines au Secours Populaire. Voilà, il y avait des gens, ils mangeaient pas. Ça faisait 2 jours qu'ils mangeaient pas. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de pas manger pendant 2 jours, quoi. Mais bon, voilà. Mais moi, je suis toute seule. Vous avez quoi comme moyen de subsistance aujourd'hui ? Non, mais ça, j'ai pas envie de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que je suis pas à l'aise avec ça, moi. J'ai du mal, quoi. Je touche le chômage. Voilà, c'est déjà... voilà. Ben oui, c'est tout. Je touche le chômage. Tiens, biscotte, tu prends un torchon. J'ai la dalle ce soir. J'ai la dalle ce soir. Je boufferai n'importe quoi, même du fond de tiroir. Je veux tout ce que t'as, surtout t'as. Pas le temps de m'asseoir. Je m'arrangerai, servez-la moi sur le comptoir. Sans menu ni couverture. Pas doux et fissé, j'en parlerai la bouche pleine. Ou trop léger, je ne serai pas à la peine. Un regard, une main, et chaque fois le même refrain. Ce souffle chaud, ostinato, sur les lèvres, je la prendrai à point. Nicole Darmon, vous êtes directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Dans vos études, vous avez réussi à quantifier assez précisément ce montant en deçà duquel c'est très compliqué de se nourrir correctement. On connaît le prix moyen des aliments et à partir de ces informations, les trois fondamentales, le prix, la composition nutritionnelle et les besoins nutritionnels, on a demandé à un modèle de nous construire un panier qui respecte l'ensemble de toutes les recommandations nutritionnelles pour le prix le plus bas possible. On arrive à 3,5 euros par jour et par personne. Alors c'est vraiment un strict minimum, c'est un minimum mathématique en dessous duquel on ne peut pas descendre. Donc ça veut dire que quand on est en dessous, ça va être extrêmement difficile puisque même un ordinateur finalement n'y arrive pas. Et ça veut dire que ce seuil, il faut le concevoir plutôt comme un seuil critique. Ça va être extrêmement difficile. Donc la question recommandation dans ces cas-là n'est pas de bien manger, mais juste de s'alimenter en fait. Voilà. Donc ils vont aller au Resto du Cœur, au Secours Populaire, partout où c'est possible de trouver soit des colis, soit des épiceries sociales. Et on estime à entre 3,5 et 4 millions le nombre de gens qui font appel à l'aide alimentaire au moins à un moment de l'année, quoi. Donc là, on voit bien, ben voilà, c'est la preuve, hein, ils sont en dessous de 3,5, ils sont vraiment très en dessous du seuil, à la limite, ils ont juste les moyens de se payer des pâtes, des biscuits et des chips, parce que ça coûte pas cher. Pour cette partie de la population, il est extrêmement important que l'aide alimentaire soit de bonne qualité et leur apporte ce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes se procurer. Donc vous allez faire quoi là ? On a pu récupérer du saumon fumé, donc là, un concombre crème saumon fumé, et puis après, un petit râpé de carottes à la marocaine, avec un peu d'orange et du cumin, et puis une petite salade verte pour ceux qui vraiment n'aiment pas ces deux produits, voilà, juste assaisonnés ordinairement. Après, nous allons faire des boulettes de riz farci et pané qui s'appellent des arancini, et puis en dessert, nous allons faire un crumble aux pommes. Donc normalement, l'équilibre alimentaire, on est pas mal du tout, et avec très peu d'apport en protéines, sauf le saumon fumé, et évidemment, comme je vais rajouter des œufs dans les arancini, bien c'est bon. L'apport calorique et l'apport protéinique est bon, ça marche. Tu m'as dit d'acheter 6 œufs et quoi d'autre ? Même 12, je t'ai dit. Parce oui, 12, que si c'est vrai, 12. Oui, 12, et puis c'est tout. Du sucre, si tu n'en as pas trop, du sucre, on en a. Donc en fait, quand on regarde le prix des aliments en euros du kilo et qu'on essaye de comparer le prix des fruits, des légumes, des viandes, etc., des pâtes, on ne voit pas spécialement de différence et on ne va pas forcément en conclure que les fruits et légumes sont chers. On dira oui, certes, on doute que la viande est chère, que le fromage est cher, mais les fruits et légumes n'apparaissent pas beaucoup plus chers que les produits laitiers ou voire même des féculents. Mais en fait, quand on regarde le prix pour 100 kilocalories, là, on voit se dessiner une hiérarchie des prix avec des groupes alimentaires qui sont vraiment nettement plus chers que les autres, qui donc sont des sources de calories plus chères. Et c'est tout à fait justifié de regarder le prix des calories, puisqu'on a tous besoin de calories pour vivre. Et en plus, on ressent ce besoin. C'est-à-dire que voilà, si vous sautez un repas, vous allez avoir faim au milieu de l'après-midi. Tandis que si vous manquez de vitamine C, si vous manquez de fer, vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est votre organisme, lui, oui, il va avoir des problèmes à long terme, mais vous n'allez pas immédiatement vous en rendre compte. Et quand on regarde le prix des calories, pour les fruits et les légumes, pour avoir 100 kilocalories avec des fruits et des légumes, ça va coûter 70 centimes d'euros. Avec de la viande ou du poisson, ça va coûter 60 centimes d'euros. Et avec de l'huile ou du beurre, des matières grasses ajoutées ou des féculents, on va être en dessous de 10 centimes d'euros. Quand on a un petit budget à gérer, pour couvrir son besoin en calories, on va plutôt s'orienter vers des produits qui sont des sources de calories pas chères. Et quels sont ces produits ? C'est les matières grasses ajoutées, les pâtes, le riz, les pommes de terre et puis les produits gras, sucrés et salés. En plus, on peut malheureusement constater que ces produits-là sont généralement faciles à stocker, à transporter. Il n'y a pas de risque de gaspillage comme il peut y en avoir avec les fruits et les légumes. Et puis, ils sont appréciés de tout le monde. Donc, il y a vraiment plein de raisons, finalement, pour lesquelles, quand on a un petit budget à gérer, on va plutôt s'orienter vers ces produits-là. Alors, qu'est-ce qu'elle ramène ? C'est du pain. C'est le pain. Ah oui, c'est le pain, c'est vrai, c'était pas le riz. Ouf. Alors, vous allez nous faire des boulettes, c'est ça ? C'est pour refroidir. Pour les refroidir, ouais. C'est pour le refroidir. C'est un peu chaud. Moi, j'aime bien manger des légumes. Souvent, quand je suis chez moi, je crée beaucoup de recettes à base de légumes. Je mélange tout ce que j'ai comme légumes, courgettes, carottes, souvent haricots verts plus. Et puis, je les mélange, je fais cuire et je mange soit avec du beurre ou je crois que c'est bien pour la santé. Et sinon, dans les commerces, vous avez les moyens d'acheter des légumes ? Non, pas du tout, surtout pas. Souvent, je n'ai pas assez de moyens. Je veux vraiment, si je n'ai pas l'aide des légumes et tout, et je veux faire à manger, je suis obligée soit de faire les pâtes tout blancs sans légumes, parce que je n'arrive pas à acheter des légumes dans le commerce, tellement c'est cher. Voilà. Combien vous avez pour vivre tous les mois ? Pour le mois, ce que j'ai, c'est 150 euros que j'ai pour le mois, pour le moment, parce que je travaille pas, je fais rien, j'ai l'air de juste des amis qui m'aident comme ça. Et donc, j'ai 150 euros pour le mois. Et donc, je dois faire vraiment, et je suis avec ma fille, je dois faire vraiment l'effort pour pouvoir gérer le mois avec ce que j'ai. Et du coup, me permettre d'aller dans les grandes surfaces, acheter des légumes et des fruits. Non, je n'arrive pas. Donc, voilà, du coup, j'ai la possibilité d'acheter des gâteaux au chocolat, parce que le gros paquet dans les surfaces, c'est dans les 76 centimes. Et j'ai plus la possibilité d'acheter ça que d'acheter les légumes, parce que j'ai tout un paquet, c'est souvent 76 centimes ou 1 euro. Des gâteaux au chocolat, des gâteaux sucrés, voilà. Et c'est comme ça que je me nourris. Souvent, ma fille et moi, on a souvent des fortes constipations. Parce que, bon, quand on ne mange pas les légumes, la digestion, ça bloque plus. On a souvent des constipations et tout, le mal de ventre, surtout on pleure souvent le mal de ventre, et aussi le corps qui est lourd parce qu'il y a trop du gras dans le corps et tout. Et je profite donc, quand j'ai l'aide ici de Secours Populaire et tout, je me nourris à base de ces légumes qu'ils me donnent et tout, voilà. Du coup, ça ne me fait pas beaucoup de légumes, mais bon, on fait avec ce qu'on a. On espère que pour le moment, c'est pas... Ça va s'améliorer la situation. Les carottes, vous épluchez tout parce qu'avec, on va commencer à en faire cuire pour le risotto et d'autres vont passer en entrée. D'accord ? Pour l'instant, vous épluchez. Et pareil, je vais vous montrer, on découpe en tout petits cubes. Et le reste, on va essayer de râper. Je pense qu'il y a bien une râpe à main quelque part pour faire l'entrée. Certainement, savoir cuisiner est un atout dans le sens où quand on cuisine, on peut plus facilement maîtriser les quantités de gras, de sucre, de sel qu'on va mettre dans les recettes. Ceci dit, nous avons fait récemment une étude comparative pour regarder est-ce que vraiment il y avait un avantage économique à cuisiner soi-même des plats cuisinés ou bien à les acheter dans le commerce. Et là, on voit que l'avantage économique est assez mineur, puisque en moyenne, quand on cuisine à la maison pour 4 personnes un plat cuisiné, ça va coûter 40 centimes moins cher pour ces 4 portions de le cuisiner soi-même plutôt que de l'acheter tout fait dans le commerce. Donc le bénéfice économique est faible. En revanche, bien sûr, il y a un avantage à cuisiner soi-même, mais je dirais qu'il est plus nutritionnel que économique. Oui, là, on est en train d'éplucher les carottes. On épluche les carottes et on va les couper en cubes. C'est le chef. Le chef a dit ça. Je ne voudrais pas qu'on donne l'idée que les choses sont très caricaturales et que quand on est pauvre, on va forcément manger mal et quand on est riche, on va manger bien. C'est vraiment qu'on a beaucoup moins de choix quand on est pauvre. Mais par exemple, dans une étude que nous avons menée dans les quartiers nord de Marseille, on a demandé aux personnes de garder leur ticket de caisse pendant un mois. Et à la suite de ça, donc, on a pu analyser ce qui avait été acheté en termes de coûts, de contenu nutritionnel, etc. Donc, on a confirmé qu'effectivement, dans cette population, les gens sont autour de 4 euros par jour. Mais on a vu aussi que, à ce niveau très faible de budget, on avait une proportion non négligeable de personnes qui réussissaient à avoir un équilibre nutritionnel vraiment plus que convenable. Donc, c'est plus difficile, mais c'est pas impossible. Et il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, en plus de ces contraintes budgétaires. Comment les gens se sentent finalement soutenus ou pas. Par exemple, le capital social est très important. Est-ce que on est complètement isolé ou bien est-ce qu'on est soutenu par l'entourage? Ça va aussi jouer sur l'alimentation et d'ailleurs sur les comportements de santé en général. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une idée reçue sur la pratique de la cuisine en France, parce que en réalité, ce sont les catégories modestes et populaires, si on peut dire ça comme ça, qui sont celles qui cuisinent le plus, qui mangent le moins à l'extérieur. Et alors que régulièrement, on entend, bah oui, ils savent pas cuisiner. Si on leur donne des poireaux, ils savent pas les cuisiner. Et c'est pour ça qu'ils vont mal. Non, ça c'est faux. C'est effectivement une idée reçue. Et ce que vous dites est accrédité par un travail du CREDOC, dans lequel on s'aperçoit que les personnes qui ont le moins de moyens mettent en place des stratégies de contournement de ces difficultés financières pour justement avoir accès à une alimentation à peu près équilibrée. Et effectivement, il y a des entretiens qualitatifs qui ont montré que les personnes mettaient en place des stratégies du style cuisiner en grande quantité et puis congeler, partir ensemble pour faire ses courses puisque, par exemple, dans l'immeuble, il y en a un qui a une voiture et puis les autres n'en ont pas. Mais effectivement, il y a énormément de stratégies. Il y en a déjà beaucoup parce qu'il faut mettre du fromage entre les deux. Ah, c'est pour faire. Donc en fait, on a essayé de concevoir un menu avec des légumes en entrée, des légumes dans le riz. Hein, donc il y a légumes crus, légumes cuits, et en dessert on va faire un crumble où là il y a des pommes. Donc une fois de plus, voilà, avec beaucoup de fruits et de légumes. Parce qu'en fait, c'est un peu bon pour la santé, hein, cette histoire-là. Santé. Vous, Andé, par là-bas, et là, il rappe, oui, s'il vous plaît. Moi, je suis une retraitée. J'ai une minable retraite, j'ai 432 par mois. J'étais cantinière, et là, le soir, j'étais à Seine. Je fais deux travails pour gagner ma vie. Je gagnais très bien ma vie, j'étais très bien. Arrivée à la retraite, j'ai eu diabète. Je me suis arrêtée le 1er, le 15, je me trouve avec le diabète. Et ça, je suis diabétique maintenant. Je suis mal barrée. Et je vis avec. Je me bats. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, on ne peut rien faire. Avec 434 euros, on va. Le loyer, rien que le loyer, ça part là. Alors, l'électricité, le gaz, le téléphone, on n'arrive pas. Mais j'essaye de m'arranger, j'essaye. Et je vous dis la vérité, et des fois il m'arrive très souvent, je ne peux pas vous dire, eh bien, il m'arrive souvent, par exemple, de faire les poubelles, parce que je n'arrive pas. Alors j'étais obligée de venir demander des secours, et on me donne. On donne notre carte, après on attend un peu, ils nous donnent le ticket, et après on nous sert, et après on rentre chez nous, tranquillement. Et je n'ai jamais été, je vous dis la vérité, ça fait une année, je n'ai jamais regretté, et je n'ai jamais eu une alimentation pas bien. On a du riz, on a des pâtes, on a du lait, on a du sucre, on a café, farine, on a tout, tout. Et plus les légumes. Et je remercie le bon Dieu, parce qu'il est avec moi. Et je me bats, je suis contente. Non, si tu veux un mixeur, j'en ai un. Moi, j'ai pas de blouse. Où sont les blouses? Les tabliers, plutôt, pardon. Il y en a plus? La grossophobie continue d'exister parce que c'est une forme de pauvrophobie. La grossophobie continue d'exister parce que c'est aussi une forme de sexisme. En fait, elle regroupe les violences qui sont des violences sociales et des violences de genre, en fait. On sait que ça touche plus les femmes parce que les statistiques nous prouvent qu'elles sont discriminées beaucoup plus que les hommes. Et on sait aussi que les statistiques sur les opérations nous disent qu'elles représentent 80% des opérés à taux d'obésité égal. La discrimination physique que j'ai subie, la grossophobie que j'ai subie, c'est une discrimination sociale. Avant d'être discriminée comme grosse, j'ai été discriminée comme pauvre, dès l'école. Moi, j'ai toujours cru en l'école, en fait. J'ai joué le jeu, j'ai fait des études, j'ai fait plusieurs parcours d'études. Très tôt, j'ai intégré le fait qu'en fait, ma culture serait un bonus, que me cultiver, que lire, que me nourrir de livres serait ce qui ferait peut-être la différence. J'ai fait plusieurs parcours d'études différents. Je n'ai cessé de me former, que ce soit à l'université, que ce soit dans des formations, que ce soit avec des MOOC. Je suis toujours accro aux MOOC, d'ailleurs. J'en fais plusieurs par an. Et à l'arrivée, bah, rien. Enfin, à l'arrivée, je reste pauvre. À l'arrivée, j'ai 40 ans et je n'ai pas 10 ans de cotisation sociale, en fait. Et pendant cette période où je ne parvenais pas à trouver de travail, j'ai écrit un livre dans lequel je raconte que je suis grosse, mais pas seulement. J'explique ce que c'est être gros aujourd'hui en France, en fait. Donc, j'ai fait ce travail-là sur la grossophobie, mais je refuse d'être prisonnière, en fait, de ce sujet-là, parce que oui, je suis grosse, oui, j'ai traité un sujet sur les gros, mais ce que je veux, moi, maintenant, c'est sortir de ce sujet, c'est tracer ma route. Je dois pouvoir être légitime sur d'autres sujets. Et notamment, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est celui des transfuges de classe. Le véritable enjeu, pour moi, ça reste la question de la classe sociale. J'ai toujours été infâme, père. À coup d'âme, j'ai tellement faim que je pourrais bouffer le monde entier. La déraison est ma seule raison, pas besoin de clamer. Tu cherches à gravir les échelons, mais c'est moi sa mère. J'ai pas d'or, j'assis sur mes épaules avec qui m'est d'accord. Ma faim est sans mémoire comme un membre de mon corps. Ma faim, moi, elle manque, elle me dépend comme un cador. Faut que je raille, faut que je te graille pour nous mettre d'accord. T'es pisté par un prédateur qui va tout le cœur. J'fondrai sur toi, t'auras pas le temps d'avoir peur. Je salue, je sens ton bout échapper. Le processus est lancé, tu ne peux m'arrêter. C'était Place au Gros. Une maladie de pauvre. Avec Gabriel Dédier, Jean-François Amadieu, Enzo Poultreniez, Martin Vandenovert, les bénévoles et bénéficiaires du Secours Populaire Français, et Nicole Darmon. Mixage Claire Levasseur. Une série documentaire de Rémi Libowski-Douat, réalisée par Véronique Samouilov. Ma peine ne fait des fournies à ma langue et mon esprit. C'est dans mes gènes, mon instinct, c'est l'ange sacré. Prosterne-toi, puis j'ai l'estomac avec une con. Je prendrai bien du dessert pour le dernier rang. Ascend it, ascend it, ascend it, ascend it, ascend it, ascend it, ascend it, ascend it.